La lumière qui descend sur la terre, ça veut dire que l'esprit descend dans la matière. Ça veut dire que l'esprit a le contrôle de la matière. Ça veut dire que la matière n'a plus de possibilité de réfléchir par le sentiment. De sorte que l'homme n'existe plus. Parce que les sentiments n'existent plus. Et comme les sentiments n'existent plus dans l'homme, l'ego de l'homme n'est plus ce qu'il était. Alors, quand l'ego de l'homme ne sera plus ce qu'il a été durant la cinquième race, il sera quoi, l'ego de l'homme? Y en a-tu qui sait? L'ego de l'homme sera esprit. Alors, l'esprit, c'est sûr d'être sûr. L'ego, jamais sûr d'être sûr. Il est sûr. Mais l'esprit, lui, est sûr d'être sûr. L'ego sera esprit. Alors, on dira qu'il y a sur la terre l'homme-esprit. Mais Bernard de Montréal était un petit peu plus avancé que vous autres. Bernard de Montréal n'appartient pas à la cinquième race. Ces cycles de vie-là, il les a vécus avant. Mais étant sur le plan matériel, il peut vous expliquer comment évoluera la sixième et la septième race, qui mènera à l'être à l'homme-esprit. Parce que l'homme, un jour, doit concrétiser dans la matière ses pensées. C'est le but de l'évolution sur la Terre. Vous avez une fonction sur la Terre, les hommes, c'est de créer des dimensionnalités, des dimensions du réel qui conviennent dans votre matière. Mais des dimensions du réel qui sont puisées dans l'éther de l'esprit, dans l'éther du monde où vous êtes, mais auquel vous n'avez pas encore aujourd'hui consciemment accès. C'est pour ça que vous avez des égos qui ont des sentiments, patati patata, puis vous vivez là-dedans. Vous nagez et vous évoluez dans une atmosphère qui est carbonique. Vous évoluez pas dans une atmosphère qui est totalement pure. Parce que vous vous nourrissez constamment de sentiments. Et un jour, vous comprendrez que les sentiments sont la mort de l'esprit, sont le mur entre l'esprit et l'âme. Là, je reparle comme du monde, là, comme si j'étais à Bernard à Montréal. Ça crée un stress. Moi, vous expliquer qu'est-ce que c'est de l'esprit. De l'esprit, c'est de l'action, de l'activité, qui émane d'un plan, qui vient de la lumière, qui descend dans la matière pour élever la matière à la lumière. C'est ça de l'esprit. C'est de l'activité de l'esprit. Pourquoi est-ce qu'on ne comprend pas qu'est-ce que c'est de l'esprit? Parce qu'à travers de nos égos, on réfléchit nos sentiments. Si on n'avait pas de sentiments, on ne pourrait pas réfléchir astralement nos pensées et nos émotions. Alors, automatiquement, on serait forcé de vivre de cette énergie que j'appelle de l'esprit qui descend, qui descend, qui descend, qui descend. Mais nos sentiments la repoussent, cette énergie-là. Alors, elle descend jamais dans la matière. Nos sentiments repoussent constamment l'esprit. Apparemment, pas bon. Alors, il y a une couche ici. Puis on est enveloppé là-dedans, c'est ça l'astral. Si on enlève ça, l'esprit descend, puis descend, puis descend, puis descend. De l'esprit, c'est beaucoup plus concret qu'on s'imagine. De l'esprit, c'est beaucoup plus réel qu'on s'imagine. Et de l'esprit, c'est beaucoup plus près de nous, les hommes, qu'on s'imagine. Mais on n'est pas capable d'identifier qu'est-ce que c'est de l'esprit, savez-vous quoi? Parce que nos sentiments traduisent la réalité de notre esprit en une sorte de lumière qu'on appelle des phares astrales. Quand vous êtes dans le rêve le soir, quand vous dormez dans le rêve le soir, quand vous êtes dans le rêve sur le plan astral, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des phares. Vous rêvez à une certaine pattern de ces formes-là, ça vous donne un rêve. Mais avez-vous déjà remarqué que quand vous analysez vos rêves, ça veut dire quelque chose? Pourquoi vos rêves veulent dire quelque chose? Parce que l'esprit essaye de se servir de ces formes-là, qui font partie de votre conscience, pour vous donner un message quelconque. Mais l'esprit est pas, ce ne sont pas les lois de l'esprit de bien organiser la forme. L'esprit ne peut pas bien organiser une forme, de sorte que les rêves sont toujours bien mixés. Quand l'esprit organise bien la forme, là, que est bien logique la forme, là, à ce moment-là, vous avez des rêves prémonitoires. C'est quasiment, tu vois un accident qui se produit le lendemain, là, exactement comme tu l'as vu dans le rêve. Là, c'est parce que l'esprit, à ce moment-là, est très, très descendu dans la matière blanche. Mais c'est rare que ça arrive. Pourtant, ça devrait arriver tout le temps. Mais rendu à ce point-là, tu n'as plus besoin de rêver. Tu as qu'à aller en esprit dans le temps, puis regarder. Puis quand tu reviens, tu te rappelles. Mais ça prend un certain temps. Il faut que le corps astral de l'homme soit perfectionné. Il faut que le corps astral de l'homme soit développé. Il faut que la conscience de l'homme soit ajustée pour que l'homme puisse aller en esprit dans le temps, puis voir ce qui se passe, puis revenir, puis ramener la connaissance dans sa matière. Ça, c'est la science cosmique de demain. Mais pour que l'homme puisse... Qu'est-ce que ça veut dire être en esprit? Ça veut dire être en dehors de la forme astrale. C'est aussi simple que ça. Être en esprit, c'est être en dehors de la forme astrale. Mais on est toujours dedans. Fait que c'est pour ça qu'on n'a pas d'idée qu'est-ce que c'est notre esprit. Si on était en dehors de l'astral, de la forme astrale qui est maintenue par nos sentiments, on serait facilement en esprit. Alors, automatiquement, on aurait facilement accès au temps et on connaîtrait le passé et l'avenir. Mais comme on est toujours dans ce nuage-là, on n'est pas capable d'être en esprit. Steiner appelait ça le gardien du seuil. Vraiment? On n'est pas capable de passer ce seuil-là. Et si il nous était donné de passer ce seuil-là, en revenant dans notre expérience inconsciente, on serait totalement capoté. Imagine-toi un gars qui va en esprit et qui revient de travailler chez toi le lendemain matin. C'est évident que ça ne marche plus. Il faut qu'on soit ajusté, il faut qu'on soit amené petit à petit à être en esprit. Et comment est-ce qu'on est amené à être en esprit? En apprenant petit à petit à abolir nos sentiments. Je vous le donne le plus simple possible. Ça ne se définit pas d'esprit. Ça ne se définit pas. Parce que de l'esprit, c'est infini. De l'esprit, ça fait partie de... l'esprit d'un homme, ça fait partie d'un esprit encore plus vaste. Ça ne se définit pas de l'esprit. Mais ça se vit. C'est pour ça que je dis, tu peux définir l'existence, mais tu ne peux pas définir la vie. Ça ne se définit pas la vie. Ça se sait, ça se vit, ainsi de suite. Ça se parle, ça s'explique. Mais ça ne se définit pas. Mais l'existence, ça se définit. Parce que tu es à l'intérieur des forces qui sont maintenus ensemble par les sentiments, ainsi de suite. Moi, dans mon contact avec vous autres, j'essaie de vous faire comprendre et de vous rendre le plus près possible de mon esprit pour que vous en arriviez à être le plus près possible de votre esprit. C'est pour ça que je vous parle de certaines façons. J'essaie de vous rendre conscient de l'importance de la réalisation que l'esprit de l'homme, c'est une présence qui se sert de ses corps subtils pour se manifester. Au lieu que l'homme se conçoive comme étant un ego réfléchissant des sentiments qui essaie de percevoir ce que c'est que de l'esprit. Tu ne peux pas percevoir qu'est-ce que c'est de l'esprit. Fait qu'une fois que tu sors de ton corps matériel, que tu te sers d'un principe, d'un véhicule extrêmement subtil qu'on appelle le corps éthérique, comme on s'y est, plus tard. À ce moment-là, tu es quoi? Tu es dans l'énergie de ton esprit. On parle de l'esprit de l'homme. Ça n'existe pas l'esprit de l'homme. Ce qui existe, c'est l'esprit dans l'homme. Pour que l'homme prenne conscience de l'esprit en lui, pour qu'il le voie, pour qu'il envoie le rayonnement, mais il faut qu'il change de plan. Là, c'est le corps éthérique. Quand il est en matière à vie et sentiment, mais là, à ce moment-là, il vit simplement les réflexions de l'esprit. Quand il est dans le corps moronciel, mais là, à ce moment-là, il est sur un plan invisible qui lui permet d'avoir accès à l'énergie de l'esprit. Utilisant l'énergie de l'esprit, l'homme peut travailler et peut fonctionner comme un être supérieur. C'est pour ça que les gens, les hindous, ont fait l'erreur du nirvana. Parce que les hindous sont partis, comprends-tu, en mystique, sont partis sur des plans astraux très élevés, sont rentrés dans des espaces où il y avait de la paix extraordinaire. La lumière éblouissante et indéfinissable. Et ils ont cru, ils ont appelé ça le nirvana, des régions de haute paix. Mais ce n'est pas le nirvana que l'homme a besoin. Parce que dans le nirvana, il n'y a pas d'esprit. Il y a simplement une lumière astrale qui fait partie des plans créés pour quoi? Pour maintenir chez l'homme suffisamment d'énergie pour qu'il puisse entrer dans sa phase d'évolution, jusqu'à temps qu'il en sorte. Un jour, l'homme ira plus loin que le nirvana, c'est-à-dire que l'homme, un jour, sera capable de comprendre à la fois le temps de l'esprit, l'espace de l'esprit, la relation entre le temps et l'espace de l'esprit, pour pouvoir se servir à la fois du temps et de l'espace, pour comprendre les mystères de l'attente, les mystères de la conscience, les mystères des plans, et une fois pour toutes, détruire l'illusion astrale des plans et modifier les structures de la mort. Le monde de l'esprit, c'est un monde extrêmement réel, extrêmement concret, et qui convient à l'esprit et non pas à l'ego. Mais l'esprit veut descendre dans la matière. Alors l'esprit a besoin de l'ego s'il veut prendre conscience de lui-même. C'est pour ça que Bernard de Montréal est important pour nous autres. Non pas parce que nous autres, on n'est pas capable de nous manifester dans le temps, mais parce qu'on a besoin d'une femme pour nous manifester dans le temps. Cette femme-là, elle s'appelle Bernard de Montréal. Mais demandez à Bernard de Montréal s'il existe, puis il va vous dire qu'il n'existe pas. Il ne peut pas exister, Bernard de Montréal, parce que c'est nous autres qui avons pris la place de l'illusion de son existence qui est contenue dans la forme de ses sentiments vis-à-vis de la vie existentielle. Mais ça, ça ne se comprend pas. Ça se sait. Mais un homme qui a moindrement du sentiment va s'attacher à la condition existentielle de son sentiment et automatiquement va avoir la réflexion dans son ego d'être quelque chose. Mais c'est une illusion d'être quelque chose. Mais c'est une illusion qui est maintenue et qui est très forte et qui est maintenue à cause de nos sens. Mais c'est à cause de nos sens qu'on n'est pas capable non plus d'aller dans l'éther. C'est pour ça qu'un jour, les sentiments devront être complètement limités chez l'homme, complètement abolis chez l'homme, pour qu'une fois pour toutes, ses sens servent à l'instruire de l'esprit. Alors, c'est à ce moment-là que l'homme pourra voir dans les terres, que l'homme pourra toucher l'homme et le guérir, ainsi de suite. L'esprit, c'est une partie de l'infinité dans une parcelle de matière, là. Mais nos sens amplifient le dominion de l'homme contre le dominion de l'esprit. De sorte qu'éventuellement, l'homme, à cause des sentiments, ne vit que des proportionnalités. Des proportionnalités qui sont liées à ses sentiments, qui sont liées à ses sens, et qui lui donnent l'impression d'être. Mais l'impression d'être est purement existentielle, c'est toi qui es obligé de mourir après. Mais quand l'homme n'aura plus besoin de mourir, à ce moment-là, il sera capable de continuer à faire sur d'autres plans ce que l'esprit avait fait avant dans la matière, c'est-à-dire construire une nouvelle civilisation, mais sur un autre plan, mais dans des conditions où le sentiment n'existera plus. Ce sera l'homme cosmique.